Bienvenue dans le podcast du blog moptimise.com. Je vais vous parler de life hacking, de développement personnel, de développement professionnel et de tech. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Moptimise. J'espère que vous allez bien. Après vous avoir parlé de la loi de Parkinson dans le 15e épisode, de la loi de Murphy dans le 17e épisode et de la loi d'Illich dans le 18e épisode, je vais vous parler du principe de Pareto, également connu sous le principe des 80-20. Donc qui est ce monsieur Pareto? C'est un Italien, Vilfredo Pareto, qui a vécu à la fin du 19e siècle, donc on était dans les 1800 et quelques, et qui a analysé des données fiscales de certains pays européens, l'Angleterre, la Russie, la France, la Suisse, l'Italie, et qui en a tiré une conclusion et une loi comme quoi 80% des richesses étaient détenues par 20% de la population. Et cette loi est restée un petit peu oubliée et elle a été remise au goût du jour en 1954. C'est là où a vraiment été créée l'expression le principe de Pareto. Et ça a été ensuite utilisé par plusieurs personnes. Et le principe de Pareto, c'est que c'est 20%. L'application de ce principe, c'est typiquement que 80% des ventes sont réalisées par 20% des références présentées, que 80% du chiffre d'affaires est réalisé par 20% des clients, que 80% de réclamations proviennent de 20% de clients. Donc on est vraiment dans une idée, on a un petit peu deux populations, beaucoup de choses qui viennent de peu de clients, de peu d'éléments. Et donc on en arrive à un certain nombre d'analyses et d'applications qui est qu'il faut définir des priorités, hiérarchiser les problèmes pour pouvoir justement travailler sur ces 20% de causes qui vont résoudre 80% des problèmes. Ce qu'il faut quand même garder à l'esprit, c'est que cette loi 80-20 n'est absolument pas figée et qu'elle est vraiment dépendante du domaine dans lequel vous travaillez, vraiment de ce que vous regardez. Et ça peut tout à fait être 90-10 ou 60-40. Donc il faut vraiment l'adapter et pas forcément la prendre au pied de la lettre. Donc il faut réfléchir à ce qu'on fait pour trouver sur quels éléments se concentrer, quels sont les éléments qui ont peu de valeur ajoutée, qu'il va falloir déléguer, il va falloir se fixer un certain nombre de priorités. C'est donc pour ça qu'il faut réfléchir à ce principe de Pareto avec une réflexion de travail et de productivité derrière. Typiquement, dites-vous, si vous ne deviez travailler que 2 heures par jour, quelle tâche serait vraiment essentielle? Et voilà, vous allez commencer à percevoir dans ce que vous faites qu'est-ce qui est vraiment essentiel. Et on peut aller un petit peu plus loin pour s'aider dans ce travail. Typiquement, donc apprendre à se donner des priorités, apprendre à mieux organiser son planning et son agenda pour vraiment travailler sur ces 20% de travail qui vont produire 80% d'effets. Également, travailler sur vos objectifs pour en définir, pour les modifier fréquemment, pour vraiment pouvoir vous adapter assez vite à toute cette partie de productivité. Essayez de trouver un équilibre entre la quantité d'efforts que vous devez produire et le résultat que vous en obtenez. Et réduire, simplifier ce que vous faites. Typiquement, réfléchissez à quels sont les 20% de ce que vous possédez qui ont plus de valeur à vos yeux. Essayez de réfléchir à sur quel élément vous passez 20% de votre temps et qui vous donne 80% de votre joie générale dans la journée, dans les semaines ou dans les mois. Réfléchissez à quels sont les 20% de personnes pour lesquels vous êtes proche et de la même façon qui vous rendent heureux. Réfléchissez à quels sont les 20% de vêtements que vous portez 80% du temps, quels sont les 20% de nourriture que vous mangez 80% du temps, et ça va vous permettre de faciliter un petit peu ce travail de simplification. Donc voilà pour cette partie loi de Pareto et la règle du 20-20 qui, je le rappelle, dit que 80% des effets sont le produit de 20% des causes. Donc j'espère que cette petite approche du principe de Pareto vous aura plu. N'hésitez pas à partager cet article et ce podcast sur les réseaux sociaux, à venir commenter sur le site moptimis.com et sur les réseaux sociaux. Donc j'espère que vous avez vu, vous allez bientôt le voir, que la partie Moptimis, que ce soit sur Twitter ou Facebook, est en train de disparaître au profit de @ paquetme sur Twitter et de les podcasts de Mika sur Facebook, qui me permettra de gérer de façon un peu plus simple sur les réseaux sociaux l'ensemble des podcasts sur lesquels je suis, que ce soit Moptimis et que ce soit Relife, ou que ce soit de futurs projets. Donc n'hésitez pas à aller liker et suivre ces comptes. Et à côté de ça, j'ai pas beaucoup de retours d'auditeurs. Donc n'hésitez pas à participer, à me poser des questions, à me proposer des sujets ou des idées de sujets. C'est des choses qui peuvent être très très intéressantes pour moi et d'échanger avec vous et d'avoir des idées de sujets qui justement vous intéressent. Avec moi, de mon côté, je suis assez actif, et typiquement sur un podcast comme Ça vient de là, j'aime bien participer et proposer des sujets et des idées de sujets et de discussions aux podcasteurs. Donc n'hésitez pas à le faire avec moi, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.